Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la peur du loup et comment le loup en est venu au fil du temps à incarner le mal. Monsieur Couteau, vous avez un loup avec vous ce matin. Vous en avez d'autres, bien sûr. Oui, j'en ai à peu près une dizaine. C'est très beau, je l'avoue, mais pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, il ressemble beaucoup à un chien. Et ensuite, que les loups, on a une fausse opinion du loup. Il est plus fidèle, d'abord. Il s'adapte à une famille et non pas à tout le monde. Il n'a pas le caractère de beaucoup de chiens qui vont à n'importe qui. Et ensuite, on a l'opinion du loup que c'est un dépravateur, que c'est une bête qui tue à tort et à travers. Or, c'est faux. Il ne tue que pour vivre, n'est-ce pas? Et beaucoup d'entre nous feraient la même chose. Je l'appellerais plutôt le grand vidangeur de l'Arctique, celui qui tue les animaux malades, qu'il est, autrement dit, le grand nettoyeur de l'Arctique. L'éleveur de loups, Claude Couteau, à l'émission Feu vert en 1972. On connaît mal le loup, nous dit M. Couteau. Le loup n'est pas un prédateur sanguinaire qui tue pour le plaisir, rajoute-t-il. Pourtant, le loup est devenu au fil du temps l'incarnation du mal. On craint le loup quand on ne le déteste pas carrément. Comment évoluera notre rapport au loup? C'est le sujet de ce numéro d'Aujourd'hui l'Histoire. Deux loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. Deux loups sont entrés dans Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. Deux loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un seul œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses lits femelles dans la maigre square de Grenelle et nourrissait de son petit avec les enfants de Passy. Et alors, son loup ont envahi Paris, soit par ici, soit par Charlie. Son loup sont entrés dans Paris, arrêtez de rire, charmante Elvire. Son loup sont entrés dans Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent, faire carousier et ses bonbons dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups. Catherine Ringer et Patrick Bruel qui reprennent la chanson de Serge Reggiani « Les loups sont entrés dans Paris » lors de la soirée d'appui au journal Charlie Hebdo à la suite de l'attentat terroriste l'ayant frappé en janvier 2015. « Deux loups sont entrés dans Paris » chante Bruel dans cette version-ci. Et ces deux loups, cette fois-ci, ce sont les frères Kouachi, responsables de la tuerie de Charlie Hebdo. Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Devoir, est avec nous. Jean-François, bonjour. Bonjour. Ça montre bien, on va parler tout au cours de cette émission et c'est fascinant. De cette peur constante du loup qui se poursuit donc encore aujourd'hui. Puis ce qu'on vient d'entendre, ça montre bien et très concrètement, Jean-François Nadeau, à quel point l'image de ce loup mauvais, du loup méchant qui incarne le mal, est encore très, très présent dans notre psyché collective. Oui, on le voit très tôt chez les enfants. Je me remémore toujours cette histoire extraordinaire du petit garçon qui dit à son père « Papa, ça sonne à la porte, qui est-ce? » Et le petit garçon ne sait pas, et le père non plus. Alors, il faut aller voir à la porte. Il dit « Un loup. » Peut-être. Ouais. Alors, il y a le loup qui est partout toujours dans les histoires. Les enfants ont peur des loups. Les grands aussi, le loup. Je reviens à cet extrait, mais quand même, Charlie qui est frappé. Là, c'est deux loups qui courent dans Paris. C'est les frères Kouachi. Le loup solitaire. Le loup solitaire, le terroriste islamiste, est sans cesse aujourd'hui, on le qualifie de loup solitaire, comme si d'ailleurs le loup était un animal solitaire. C'est plutôt un animal qui vit en groupe, qui est bien organisé, qui vit en meute. Hein, il y a une conception du loup qui est complètement tronquée. À travers les âges, ça s'est installé de façon très précise. Le loup, c'est le diable, oui, littéralement. Il y a une conception quasi religieuse à l'égard du loup, puis ça, on en parle. Le loup qui menace, le loup, oui, qui nous attend au détour, c'est ça. Oui, et ça prend des formes absolument étonnantes. Au fil du temps, ça change. La figure du loup, dans les années 30, par exemple, au moment où l'antisémitisme, les nazis, bien sûr, engendrent une propagation de l'antisémitisme de façon étonnante, mais ça existe aussi dans d'autres pays du monde. Aux États-Unis, par exemple, Walt Disney, qui fait les trois petits cochons avec, oui, le grand méchant loup. Le grand méchant loup, dans dans sa première version, le loup reprend littéralement la figure du juif que Hitler tente de caractériser comme étant le mal par excellence. Alors le loup se déguise littéralement en juif qui ressemble à une caricature de ce que laisse prévaloir Hitler à l'époque, ou enfin les propagandistes d'Hitler. Si bien que ce film-là va être revu et corrigé en 1948, on va en changer des parties pour enlever cette représentation du loup terrifiant. Et puis dans la littérature jeunesse, on pense au conte de Perrault, Le Petit Chaperon Rouge, mais d'autres, le loup encore, déjà, donc très jeune, on nous apprend comme enfant à nous méfier du loup. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que à l'époque de Charles Perrault, donc du Petit Chaperon Rouge, et Jean de La Fontaine aussi, c'est la même période, c'est la fin du 17e siècle, la fin de la guerre de 30 ans qui est au milieu du 17e siècle. La peste est un peu corrigée, mais on a encore de graves problèmes d'épidémie, tout ça. Et là, c'est la grande période où on note des problèmes avec le loup de façon absolument étonnante. 1690, à peu près la période où ces contes-là, où les fables sont écrites, partout en France, on a toutes sortes de relevés, d'indications qui nous montrent des décès survenus par des bêtes, par des loups très probablement. À l'occasion, on peut penser aussi que le loup, la figure du loup, masque la présence de prédateurs sexuels, de prédateurs humains, de figures qui vont commettre des assassinats. Le loup a le dos large, si je puis dire. Alors qu'on a au moins, les historiens, relevé plus de 200 avis de décès de ce type-là dont on trouve trace dans les textes de l'époque, mais on pense qu'il y en a entre 400 et 800 probablement à la même période. Donc, le Petit Chaperon Rouge, ça peut avoir, si vous vivez à cette période-là, ça peut avoir existé, puisque les gens qui sont attaqués, en général, sont des enfants, sont des adolescents, des femmes seules, des bergers. Il y a toute une série de récits de ça qui sont amplifiés, qui sont gonflés selon les régions qui sont repris. Très rarement des gens du clergé, très rarement des gens de la noblesse. Ce sont des gens de peu qui entretiennent donc cette idée terrible à l'égard du loup. Ouais. Puis il y aura vraiment une charnière, une plaque tournante, puis on y revient dans un instant, là, le Moyen-Âge où tout à coup on va se mettre à envisager le loup comme une présence maléfique. Mais pourtant, avant ça, Jean-François Nadeau, je pense aux Amérindiens, je pense à l'Égypte ancienne, il y a une période quand même précédant le Moyen-Âge où le loup est plutôt bien perçu. Très bien perçu même. Dans la mythologie amérindienne, le loup est une figure de courage, de ruse, d'intelligence, de force, de caractère. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans la presse, encore récemment, on peut trouver des indications où le loup est associé à des figures amérindiennes de façon très, très favorable. C'est la même chose en Haute-Égypte, où le loup guide le chemin. Le loup est une ouverture. Chez les Romains, le loup est absolument fondamental. Le loup, vous vous souvenez de cette histoire de Romulus et Rémus, qui est la fondation de Rome, littéralement, la fondation de l'Empire romain. Est dû à la bonté d'une louve qui va nourrir les fondateurs. Et on a des cas aussi qui sont encore relativement récents. Cette histoire qui a meublé tout l'univers du scoutisme, Mowgli, l'enfant abandonné, l'enfant loup, qui est une légende qui est reprise et habillée par Rudyard Kipling, mais qui va être beaucoup réactivée. On a des cas qui sont notés de ce type-là en Inde, dans plusieurs pays, qui sont souvent pas très bien documenté, mais cette légende du loup qui aurait accueilli en son sein un homme, l'homme sauvage, mais qui aurait eu la bonté de le faire vivre, de le faire grandir dans la grandeur de la nature, c'est très, très fréquent dans l'histoire humaine. Alors, qu'est-ce qui fait que ça bascule à peu près au Moyen-Âge? Ben, au Moyen-Âge, il y a plusieurs types d'explications qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi le loup soudain devient la figure du diable. D'abord, pour une question religieuse, je pense, et ça, c'est assez bien nourri. Au VIe siècle, par exemple, Saint Hervé, qui fait tirer une charrue à un loup pour l'avoir puni d'avoir tué son âne. Et il y a toute une série de saints qui sont associés au loup. Saint Eucyse, Saint Jean, Saint Romague, Saint Ostroberte, ils ont tous des histoires semblables. Ils dominent un loup. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la figure du mal est associé peu à peu au loup en opposition à la figure de l'agneau, qui est l'agneau de Dieu, qui est la bête la pureté. Douce, la pureté qui est blanche, la grandeur naturelle de la virginité incarnée dans cette blancheur de l'animal fragile en opposition avec un animal féroce qui est capable de détruire. Alors, tous les discours religieux de l'époque vont beaucoup magnifier cette histoire qui est reconvertie de façon étonnante, presque toujours de la même façon. J'ai toute une suite de saints, là, je les ai pas tous nommés, mais c'est absolument étonnant. Les rois également vont faire la guerre aux loups, littéralement, jusqu'à la Révolution française. Oui, on a l'impression pendant très longtemps que les rois chassent le chevreuil, que c'est la biche et tout ça. C'est plutôt un animal qui est associé à Dieu. C'est plutôt l'ours et le loup, en bonne partie, et le sanglier, qui sont des animaux dont il faut triompher, puisqu'ils sont des forces à contrer. Le loup étant une force par rapport à la royauté, qui est une force en opposition. C'est une force qui fait mur contre le pouvoir du roi. Et le roi, au fond, ne tolère qu'une seule force dans la forêt. C'est la sienne. Et la forêt, à ce moment-là, au Moyen-Âge, est un refuge pour la sauvagerie. Les gens qui sont atteints de maladies mentales vont se réfugier là. Les brigands aussi. Le loup qui se réfugie, au fond, avec eux, contre le pouvoir du roi. Et c'est ce pouvoir-là que le roi va chasser. Ouais. Fin 17e, début 18e siècle, il y aura vraiment beaucoup de légendes autour du loup, dont celle de la fameuse bête de Gévaudan. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres élyséennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Miséricorde ! Et l'on commençait à penser que nul mortel n'en viendrait jamais à bout. Voici le chevalier Grégoire de Fronsac. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris ? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. On m'a chargé d'en faire le portrait et de la naturaliser sitôt après la chasse. Son museau était allongé, ses dents ont des couteaux. Si c'était pas un loup, c'était quoi alors ? Des gens sont morts. J'entends leur cri. Quel singulier personnage ! C'est mon frère. Marianne de Morangias. Tous les beaux partis du pays sont cassés les dents. Vous êtes un libertin ? Tu n'as encore rien vu. Mais on n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez ? Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal n'a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez. Que sais-tu de la bête ? Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons. Cette fameuse histoire de la bête de Gévaudan va donner, entre autres, le film, l'extrait du film qu'on vient d'entendre, en fait, film de Christophe Gans en 2001, Le Pacte des loups. Qu'a raconte cette légende de Jean-François Nadeau de la bête de Gévaudan? Il y a plusieurs, au fond, légendes absolument extraordinaires où le mal se concrétise dans la présence d'un animal qu'on ne mesure pas bien, on ne le voit pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un truc qui est réactivé dans plusieurs récits, même les chiens de Baskerville, au fond de Sir Arthur Conan Doyle, c'est ce chien mi-loup, on ne sait pas trop de quoi s'agit-il. Le fait de ne pas le voir ajoute à la monstruosité de l'imaginaire qu'on peut construire autour de cette idée-là. Alors, la bête du Gévaudan, entre 1764 et 1767, on atteste entre une centaine et 100-150 attaques d'une bête. On pense que c'est un loup. Dans des élevages d'abord, puis contre des gens. Et la presse, après la guerre de 7 ans, s'empare de cette histoire et va en parler beaucoup. Et ça va faire des récits partout, non pas seulement en France, mais à l'étranger aussi. On se met à parler beaucoup de cette histoire de la bête du Gévaudan. On va, le roi va organiser des battues, il va y avoir des battues publiques, des chasses à cour pour réussir à tuer ce qu'on croit être un loup. On va en tuer plusieurs dizaines, jusqu'à ce qu'on pense que la bête en question soit celle-ci. Il y a plusieurs hypothèses pour savoir de quoi il s'agissait, même des plus récentes, où on dit, bon, il s'agissait d'un assassin, en fait, qui se cachait sous les traits d'un loup. Mais cette idée de la bête de quelque chose, est très présente à travers le temps. Au temps du Petit Chaperon Rouge, par exemple, on a la bête de Touraine, entre 1693 et 1695, qui est du même type, dont on parle beaucoup à l'époque. La même chose, la bête du Limousin, en 1699. Alors, dizaines de jeunes bergers et des bergères qui sont retrouvés massacrés. Et c'est 70 ans sans avant la bête du Gévaudan. Ouais. Donc, ça existe déjà, cette tradition de porter sur le loup une espèce de maléfice général qui frappe une région et dont on parle, qui entre dans les contes et légendes. Et cette peur et cette détestation du loup vont traverser l'Atlantique vers le Nouveau Monde dès le début du 19e siècle. Le loup canadien est féroce et poltron, avec une disposition telle qu'il tuera tout un troupeau de moutons pour la seule satisfaction de rassasier sa soif de sang. J'ai toujours trouvé les loups les plus lâches des animaux. Le loup d'Amérique a les mêmes mœurs que le loup d'Europe. Il est fin et rusé, et pour le moins aussi lâche, aussi sanguinaire que lui. Il est reconnu que le loup consomme beaucoup d'aliments dans un seul repas. Il se gorge tellement de chair que souvent il est incapable de fuir et peut être alors tué à coups de bâton. Pierre Morency lisant en 1980 un extrait de l'ouvrage « Les mammifères de la province de Québec », ouvrage écrit par Charles Eusèbe Dionne en 1902. Ça donne une bonne idée, Jean-François Nadeau, de l'image qu'on a à l'époque des loups ici au Québec. Ah oui, deux ans plus tôt, en 1900, Henri de Puyjalon, qui est né en France en 1841 et qui a été nommé l'inspecteur général des pêcheries et de la chasse de la province de Québec. Donc c'est le personnage, c'est la référence, c'est l'autorité pour ces questions-là. Et il écrit tout le mal qu'il pense des loups dans un vaste ouvrage, et il écrit fort bien. C'est un ami du pamphlétaire Léon Blois, puis aussi d'Arthur Buis, qui est un de nos meilleurs écrivains, sinon le meilleur au 19e siècle. Il le qualifie d'émule en diablerie avec le carcajou. Hein. Pour lui, il a tous les défauts. L'animal est défiant au possible, d'une surprenante rouerie, d'une étourdissante lâcheté lorsqu'ils sont seuls, hein, les loups. Ils deviennent insolents, agressifs, dangereux, réunis en groupe. Et pour lui, les chasseurs n'ont qu'un seul intérêt, ils doivent le faire disparaître. Il est d'une radicalité à l'égard du loup qui est total, et il n'est pas intéressant de voir que Puyjalon, hein, qui est arrivé au Québec en 1877, s'est d'abord établi à Québec avant de se déplacer à Montréal, est né dans le Limousin. Et il a grandi là, et le Limousin est un des derniers lieux en France où on a cette espèce d'univers du loup. On parlait des bêtes terrifiantes tout à l'heure. On a beaucoup de légendes de ce type-là dans le Limousin, et c'est là, en 1926, qu'on abat le dernier loup en France. Donc, il est baigné lui-même, dès l'enfance, de représentation du loup, qu'il va contribuer à transporter ici, outre-Atlantique, mais ça existe déjà avant lui. Ça existe, dès le début du 19e siècle, en fait, il y aura même une loi, Jean-François, qui sera adoptée en 1831. Oui, une loi du Parlement du Bas-Canada, à peu près, en grosso modo, l'équivalent du Québec d'aujourd'hui, sous l'autorité du roi anglais Guillaume IV, à l'époque, où on dit que le Parlement va récompenser toute personne qui tue un loup. Et là, c'est extrêmement intéressant, parce que pour attester de la mort du loup, on doit apporter les oreilles coupées et le crâne. Et pour toucher la prime, le juge devant lequel on présentera le loup devra au préalable brûler les oreilles et la peau de son crâne. Il y a quelque chose de l'exorcisme, littéralement, pour qu'on se sente obligé à une bête morte qu'on doive brûler ses oreilles et brûler son crâne. Loi adoptée en 1831, mais écoutez l'extrait qui suit, ça va durer et durer et durer, cette affaire-là. Extrait d'un film d'actualité de 1958 sur, entre autres, les campagnes d'empoisonnement des loups dans la région des Laurentides, mais on viendra aussi à ces primes dans cet extrait dont vous nous parliez à l'instant. Dans toutes les régions de la province de Québec, spécialement dans les Laurentides, au nord de Montréal, les loups pourchassent les jeunes chevreuils durant tout l'hiver. Mais les loups qui poursuivent les chevreuils sont des chasseurs chassés. Du haut des airs, les gardes-chasse leur lancent des boulettes de viande assaisonnées de strychnine, qui ne manquent pas de produire l'effet attendu. Les appâts sont lancés sur la surface gelée des lacs afin qu'il soit plus facile de recueillir les cadavres avant que d'autres animaux ne s'empoisonnent en les mangeant et de faire également le bilan des opérations. On réussit chaque année à détruire par ce moyen plus de 500 loups. Les corps sont recueillis par les gardes-chasse qui en font le dénombrement. Les loups sont aussi chassés au moyen de pièges tendus par les trappeurs qui obtiennent une prime de $20 pour chaque paire d'oreilles expédiée au ministère de la Chasse et de la Pêche à Québec. 1958, l'extrait de ce film. Déjà, donc, pas déjà, on continue encore, à ce moment-là, l'État, Jean-François Nadeau, continue encore de subventionner la traque du loup. Oui, absolument. Et un personnage qui, à l'époque, est considéré comme une conscience écologique, Serge Desglin, qui est le demi-frère de la comédienne Mireille Desglin, qui est un chroniqueur de chasse et de pêche à l'époque très important. Mais il va y avoir un prix nature qui porte son nom pendant un certain nombre d'années. En 1962, il fait un reportage avec l'excellent photographe Marcel Cognac qui s'appelle Gare aux loups, où il explique à quel point il faut se débarrasser de cette bête épouvantable, justement parce qu'elle menace le chevreuil. Hein? Il encourage le gouvernement à se débarrasser radicalement du chevreuil, notamment, pas du chevreuil, mais du loup, bien sûr, en utilisant la strychnine, qui est un poison absolument épouvantable. Mais il faut bien savoir que quand on lâche de la strychnine dans la nature, il n'y a pas que les loups qui y goûtent. Voilà. Hein? Ouais. Il y a d'autres animaux qui vont périr. En 1967 seulement, on note 850 loups qui sont tués de cette façon-là. Alors, jusqu'au début des années 1980, c'est des programmes d'élimination du loup continue sous divers angles. On va payer des primes, on va les empoisonner, on va les traquer, on va les chasser, on va les prendre de toutes sortes. Si bien que les enfants aujourd'hui qui croient voir des loups partout, par exemple, ni vous, ni moi, ni la plupart des gens n'ont jamais vu un loup. Et ça se fera d'ailleurs, en préparant l'émission, j'entendais un autre extrait qu'on n'a pas pu diffuser, mais en Russie, le Canada, le Québec ne seront pas les seuls endroits où l'État comme ça va encourager et empoisonner ou autrement la chasse au loup. Bouclons la boucle, Jean-François Nadeau. Qu'est-ce qui reste de tout ça dans notre imaginaire collectif d'aujourd'hui, dans notre vocabulaire? On parlait de loup solitaire au tout début de l'émission. Il y a plein d'expressions. Ah, sans arrêt, le loup est utilisé dans notre langage historiquement. Avec cette connotation négative. Oui, presque toujours. L'image ultra étant sans doute celle de loup-garou, hein, qui est quelque chose d'un peu étrange. Qu'est-ce que c'est un loup-garou? L'homme mi-homme, mi-loup. Loup, tout ça, qui vient en fait du vieux français, le garou, qui voudrait dire en fait loup deux fois, littéralement. C'est l'homme loup absolument qui est issu du latin. Alors c'est très très ancien, cette présence du loup comme phénomène terrifiant. Mais on pense aussi à toutes sortes d'expressions qu'on utilise très régulièrement. Par exemple, les loups ne se mangent pas entre eux. Mmh. Hein, ce qui veut dire que les méchants, les gens malhonnêtes, ils ne se nuisent pas réciproquement. Avoir une faim de loup qui arrive absolument toujours. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Un vieux loup de mer, étant entendu qu'un marin endurci, vivant seul, avait quelque chose qui se rapprochait de cette image du loup. Le jeune loup, le loup en affaires, hein, qui est un prédateur aussi. Oui, se jeter dans la gueule du loup. Hein, le loup qui entre dans la bergerie. Il y en a tout plein. Oui, il y en a plein. Oui. Ouais. Jean-François Nadeau, historien, journaliste au Devoir. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Jean. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Si j'ai un prochain, je vous dis à la prochaine.